L'endroit où vous placez un mot modifie la fonction ou le sens de ce mot. Mais le mot lui-même, en chinois, ne change jamais. La seule chose qui peut changer, c'est sa position ou sa relation avec les autres mots. Et le contexte est donc un moyen de connaître le sens d'un mot. Alors, pour imaginer cela, pensez aux cubes de bois avec lesquels jouent les enfants, ou bien aux Lego, ces petites briques que l'on peut assembler pour construire un pont, une maison, un château ou tout ce qu'on veut. Alors, les cubes ou les Lego ne changent pas, mais la façon dont on les dispose les uns par rapport aux autres modifie le résultat obtenu. Donc, si j'accroche les Lego d'une certaine manière, j'obtiens une maison, et si je change leur disposition, j'obtiens un pont ou un château, par exemple. Et le chinois fonctionne exactement de la même manière. Les mots eux-mêmes ne changent jamais de forme, mais la façon dont on les agence les uns par rapport aux autres va modifier ce qu'on dit, le sens du message. En français, si nous voulons indiquer le pluriel, par exemple pour « homme », on rajoutera un « s » à la fin et on dira « les hommes » avec la liaison. Ou bien on changera la forme du mot, comme pour « cheval » par exemple, qui devient « chevaux » au pluriel. Mais avec « chinois », le mot « chinois », qu'il soit un million ou un seul, le mot « chinois » ne changera pas. Et justement, ce qui est intéressant ici, c'est que ce mot permet de comprendre comment les Chinois font le pluriel. Donc, tout comme le mot chinois en français peut être à la fois un singulier et un pluriel selon le contexte, il y a un Chinois ici ou il y a un million de Chinois ici, il est chinois ou ils sont chinois, on le dira toujours de la même manière en mandarin. Donc, si je dis « tu es une bonne personne, ils sont de bonnes personnes », en chinois, j'utiliserai toujours le même mot pour « personne ». Qui est ? J'ai. Donc, comment diriez-vous « tu es une bonne personne, tu es quelqu'un de bien » ? Alors, tu ? Ni. Est. Shi. Bien. Hao. Personne. Ren. Ni. Shi. Hao. Ren. Et comment diriez-vous « ils sont de bonnes personnes »,« ils sont des gens bien », en sachant que le « de » ou le « des » ne se traduisent pas en chinois. Alors dites d'abord « ils ».« Tamen ». »« Sont ».« Shi ». »« Bien ». »« Hao ». »« Personne ». »« Ren ».« Tamen shi hao ren ». Et maintenant, dites-moi, ils sont tous de bonnes personnes. Ils sont tous des gens bien. Alors, ils... Tamen. Tous. To. Sont. Shi. Bien. Hao. Personne. Ren. Tamen. Dou shi. 好人